Grégoire dit qu'après avoir réconcilié l'église de la ville de Rome, que les Ariens avaient tenue par l'espace de 2 ans, et ayant déposé des reliques, ossements, des martyrs, saint Étienne et saint Agathe, pour le temps de la messe, les assistants sentirent un porc passer entre leurs jambes, qui sortit de l'église. La nuit suivante, il vint faire un grand tintamarre, comme s'il eût voulu renverser l'église. Puis une brume claire descendit sur l'autel. Une douce odeur se répandit dans toute l'église, et toutes les lampes s'allumèrent par miracle.